Et nous ne t'avons envoyé vers tous les gens que comme annonciateurs et avertisseurs. Et il est, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Laysa ba'dahu nabi, il n'y a pas après lui de prophète. Wa hakadha rusul, et de même pour les messagers. Jami'an, tous, ursilu ila umamihim, ont été envoyés vers leur peuple, mubashirin wa mundirin, comme annonciateurs et comme avertisseurs. Wa min awwalihim, depuis le premier, ila akhirihim, jusqu'au dernier. Fa'awwaluhum Nuh, le premier, c'est Nuh, le premier messager. Parce qu'il y a une différence entre messager et prophète. Messager, c'est ce qu'on appelle en arabe Rasoul, prophète, Nabi. Awwalul Anbiya huwa Adam alayhi salam. Vous avez compris? Et la règle veut que chaque messager est prophète, mais chaque prophète n'est pas obligatoirement messager. Donc le premier des prophètes, c'est Adam alayhi salam, et le premier des messagers, c'est Nuh. Parce que là, beaucoup ne comprennent pas. C'est pour ça que les Habesh, dans un de leurs tracts, ils avaient mis que sur Abu Bakr al-Zahiri, mais ils ont pris le texte en français. Alors ça, tu leur as pas dit d'aller regarder le texte arabe. Parce que le traducteur, c'est quoi Mokhtar Chakroun ou Anna Chakroun? Mokhtar Chakroun, il a mis quoi? Il a appelé prophète, je crois, si je ne me trompe pas, les messagers, et apôtres, non, les prophètes. Donc, il a mis le premier des prophètes, c'est Nuh. Donc, ils ont dit, ça c'est de la mécréance, car le premier prophète c'est Adam, et ça c'est renier la prophétie de Adam. Si tu retournes au texte arabe, il y a bien les termes Nabi, les termes Rasoul. Et il dit bien le premier des messagers Rasoul, c'est Nuh. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Donc, le premier prophète c'est qui? C'est Adam. Mais le premier messager, c'est Nuh. Donc, le premier des messagers, c'est Nuh. Ba'athahu lamma waqa'a ash-shirku fi qawmihi. Allah l'a envoyé lorsque il y a eu le polythéisme dans son peuple. Wa qablahu Adam. Et avant lui, il y avait Adam. Fa'innahu nabiyyun rasulun mukallaf. Arsalahu Allah ila dhurriyyatihi. Allah l'a envoyé vers sa descendance, ses enfants. Ya'budu Allah, pour qu'ils adorent Allah, bishari'a allati ja'a biha abuhum Adam alayhi salatu wa salam, avec la législation qu'ils adorent Allah, d'après la législation que Adam est venu avec. Wastamarru 'ala al-islam wal istiqama, et ils sont restés sur l'islam et la droiture. Hatta waqa'a ash-shirk, jusqu'à qu'il y a eu le polythéisme fi qawmi Nuh, dans le peuple de Nuh. Falamma waqa'a ash-shirk fi qawmi Nuh, et lorsqu'il y a eu le polythéisme dans le peuple de Nuh, arsalallahu ilayhim Nuhan alayhi salatu wa salam, Allah leur a envoyé Nuh. Wa huwa awwalur rusul ila ahli al-ard, et c'est le premier messager vers les habitants de la terre. Ba'da wuqu'i ash-shirk, après qu'il y a eu le polythéisme. Wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayhim rasula, et à chaque nation Allah a envoyé un messager. فعاد أرسل الله إليهم هودا. Au peuple de Ad, Allah envoie vers eux leur messager Hud. ثم أرسل الله صالحا إلى قومه ثمود. Et vers le peuple de Thamoud, Allah envoie le messager Salih. ثم أرسل إبراهيم ولوطا وشعيبا. Puis Allah سبحانه وتعالى a envoyé Ibrahim, Lut, Shu'aib, fi zamanin mutaqarib, dans une époque rapprochée. Leur envoi était dans une période rapprochée. Thumma ja'ati ar-rusul, puis les messagers sont venus après. Ba'da dhalika tatra, ils sont venus l'un après l'autre. Successivement, barakallahu fi. Fa fihi Moussa, il y a parmi eux Moussa, wa Haroun, wa Isa, wa Ayyub, wa Daoud, wa Sulayman. Moussa, Moïse. Haroun, Aaron. Isa, Jésus. Ayyub, Job. Daoud, David. Wa Sulayman, Salomon. ثم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام. Puis, ça s'est terminé, clos, par l'envoi du prophète, du messager Mohammed, alayhi salatu wa salam, wa ala jami' al-anbiya wa al-mursalin. Il y a le frère Farid, dans une des cassettes, il prête attention sur les noms des prophètes qu'on emploie en français, ou dans d'autres langues. Moïse. Il se pourrait que ces noms-là, à l'origine, est-ce que c'est le nom qu'il portait le prophète dans la langue de son peuple? Je ne pense pas. Parce que beaucoup des noms ont été déformés. Même ceux qui font des choses dans la Bible, ils l'ont remarqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Moïse? Est-ce que la vraie signification du terme, Moïse, on n'en sait pas. Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que ça n'en est pas une? Allahu A'lam. C'est comme si, parce que si on accepte ces genres de noms, pourquoi on n'accepterait pas le nom de Mahomet? Allah nous a dit qu'il s'appelait Mohammed, et eux, Allah nous a donné leur nom. Et leurs noms ne sont pas arabes. Ça veut dire quoi, Moussa? Ibrahim. Vous ne savez pas, ce ne sont pas des noms arabes. Donc c'est pas une traduction de leur nom, c'est leur vrai nom. Donc c'est pour ça, et là c'était seulement pour une approche, pour savoir de quel prophète on parle et de quel message on parle. Sinon, lorsqu'on a compris les noms, il faut donner les noms qu'on a dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là on est sûr que c'est des bons noms. La traduction du dernier jour, Allahu A'lam, on ne peut pas savoir. Est-ce que c'est une insulte ou pas, je ne sais pas. Il se pose à toi, lui. Qu'est-ce qui le retiendrait de ne pas insulter les prophètes et les messagers? Naam. Donc, on reprend le texte. Wa arsalallahu jami'a ar-rusul. Allah a envoyé tous les messagers, mubashirin wa munzirin, comme annonciateurs et comme avertisseurs. Wa dalilu qawluhu ta'ala, la preuve en est, la parole d'Allah, rusulan mubashirin wa munzirin, yalla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Je ne traduis pas, on a déjà traduit au début du cours. Wa awwaluhum Nuhun 'alayhi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, les termes arabes qu'on voit dans le texte, c'est les termes qu'on voit tout le temps. C'est toujours les mêmes termes. Donc, normalement, il faut vous habituer aux termes qu'on voit souvent. On n'a pas besoin de les traduire. Donc, là, Cheikh Ben Baz, hafizahullah, a dit Summa khutimu bi Muhammadin alayhi wa sallam. Puis, la prophétie a été close par l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa khatimuhum, il est leur sceau. Wa akhiruhum, est le dernier. Wa afdaluhum, est le meilleur alayhi wa sallam. قال الله جل وعلا الله نغفي توتيكي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Verset explique qu'Allah a envoyé des messagers comme annonciateurs et comme avertisseurs pour pas qu'il n'y ait pour les gens un quelconque argument يوم القيامة. Allah a envoyé des messagers pour montrer aux gens ce qu'Allah attend d'eux. فقوله مبشرين, la parole d'Allah مبشرين annonciateur, يعني cela veut dire يُبَشِّرُونَ مَنْ أَطَاعَهُمْ بِالْجَنَّةِ. Ils annoncent à ceux qui leur obéissent le paradis. وَمُنْذِرِينَ, et avertisseurs, يعني, c'est-à-dire يُنْذِرُونَ النَّاسَ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ. Ils avertissent les gens contre l'association à Allah. وَمِنَ النَّارِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ. Et ils les avertissent du feu et du châtiment douloureux. إذا خالفوا أمر الله, si ils vont à l'encontre de la loi d'Allah, de l'ordre d'Allah. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم, de même pour محمد صلى الله عليه وسلم, أرسله الله بشيرا ونذيرا. Allah l'a envoyé comme annonciateur et comme avertisseur. كما قال تعالى, comme le Coran dit, إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allah dit, certes, nous t'avons envoyé comme témoin et comme annonciateur et comme avertisseur et comme prêcheur vers Allah par la volonté d'Allah et comme une lampe qui illumine. Wa qala ta'ala, le Très-Haut, bon, pour ceux qui veulent exactement laisser la traduction, c'est Surat al-Ahzab, verset 45-46. وقال تعالى الكوادي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc Muhammad n'était pas le père de l'un d'entre vous, de vos hommes, de l'un de vos hommes, mais c'est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. فالواجب على جميع الأمم اتباع رسولهم. Donc il est obligatoire, un devoir pour tous les peuples, toutes les nations, de suivre leur messager. Donc chaque nation, il est une obligation, un devoir pour elle, de suivre son messager. Et qu'elle se rabaisse, et qu'elle se soumette, hein, vers la guidée avec laquelle ils sont venus, les messagers, la guidée qu'ils ont ramenée. وَقَدْ وَعَدَهَا اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ. Et Allah leur a promis, s'ils font cela, s'ils suivent leurs messagers, et se soumettent aux ordres, et qu'ils suivent la guidée avec laquelle ils sont venus, les prophètes et les messagers, السعادة في الدنيا والآخرة. Allah leur accorde, leur accordera, s'ils le font, le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. وأكثر الخلق قد عصوا رسلهم. Et la plupart des créatures ont désobéi à leur messager. Donc ils sont en nombre supérieur. وخالفوا ما جاءت به الرسل. Et ils ont été à l'encontre des règles et des lois avec lesquelles sont venus les messagers, le messager. Les messagers. قال تعالى, le Très-Haut dit, وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Mais la plupart des gens, même si tu le voulais, ils ne sont pas des croyants. Les prophètes voulaient que leur peuple rentre dans la religion. Ils voulaient que leur peuple suive. Allah, il dit, le Dieu à ton prophète Mohammed, même si tu le voulais, mais la plupart ne sont pas croyants. وقال تعالى, le Créateur a dit, وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils s'égareront de la voie d'Allah. C'est un très beau verset, ça. Obéis à tel, obéis à tel sect, obéis à tel, obéis à tel, ça. Tout ça, c'est que ça t'amène vers quoi? Vers l'égarement et l'éloignement de la voie d'Allah. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Vous le faites déjà, mais tout le monde le fait. La majorité ne sont pas musulmans. Donc, وقال تعالى, et le Très-Haut a dit, وقليل من عبادي الشكور. Et très peu parmi mes serviteurs sont ceux qui remercient. وقال تعالى, et le Très-Haut a dit, ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Hein? L'explication du verset, c'est que les gens ont suivi Iblis, sauf très peu parmi les croyants. Donc le nombre dans la religion n'a aucune valeur. C'est toujours la qualité. Et comme le prophète Hassan dit dans un hadith, dans le Qiyamah, il y a des prophètes qui viennent. Parfois, il y en a qui viennent avec ceux qui les ont suivis, qui ont cru en eux. Il y en a qui viennent avec une personne. Il y en a qui viennent avec deux personnes. Il y en a qui viennent avec trois personnes. Il y en a qui viennent avec un petit groupe, et ainsi de suite. Il y en a qui viennent avec une personne. Bon, le nombre n'a jamais été. Donc, le plus important, c'est la qualité. Hein? Et le degré de suivi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ne jamais se fier au nombre. Donc, وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده قال ابن باز حفظه الله وكل رسول يدعو أمته إلى توحيد الله. Chaque messager a invité à prêcher sa communauté vers l'unicité d'Allah. Le texte de Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, parce qu'on l'a traduit au début du cours. Puisque les versets sont répétés et les termes sont répétés, on n'a pas besoin de les retraduire. Donc, et chaque messager a invité sa communauté vers l'unicité d'Allah. وَطَاعَتِهِ. Et son obéissance, وَتَرْكِ الشِّرْكِ بِهِ. Et de délaisser le délaissement du polythéisme au marsiyatihi et de la désobéissance. قال تعالى للفوادي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et nous avons envoyé dans chaque peuple un messager leur ordonnant, les invitant à n'adorer qu'Allah et de délaisser toute idole, toute adoration d'autres qu'Allah. اعبدوا الله يعني adorer Allah, c'est-à-dire اطيعوه, obéissez-lui. ووحدوه, faites une preuve d'unicité. Hein? Donnez à Allah l'unicité. واستقيموا على دينه, et soyez droit dans sa religion. واجتنبوا الطاغوت, et éloignez-vous, délaissez à sa route toute adoration à autre que Allah. وينهاهم عن عبادة الطاغوت. قال الشيخ بن باز حفظه الله والطاغوت. C'est quoi الطاغوت؟ هو كل ما عبد من دون الله وهو راض. C'est tout ce qui est adoré hormis Allah en étant satisfait de cette adoration. Par exemple, est-ce qu'il serait permis de dire que Ali radiallahu anhu c'est un tarot? Là, il y en a qui adorent Ali parmi les chiites. Mais Ali, est-ce qu'il est satisfait de cette adoration? Non. Vous comprenez? C'est un exemple. Et je pourrais qu'un homme était un saint, un homme qui était un homme pieux. Des générations plus tard, les gens ont commencé à l'adorer. Cet homme-là, il est innocent, il n'aura jamais rien demandé de faire cela. Donc, c'est pour ça qu'il a bien précisé « Wahu wa radi » en étant satisfait. D'accord ? Isa, alayhi salam, il y en a qui l'adorent. Parce que Isa, il est satisfait de l'adoration que lui font les gens. Vous avez compris ? Wa kullu man hakama bi ghayri ma anzala Allah, et tous ceux qui jugent par autre que ce qu'Allah a fait descendre, ou da'a ila zalika, ou il a prêché à cela. Wa ta'ud, et le terme ta'ud, ma'khouz min at-tughyan, il est pris du terme at-tughyan. Rien comme on pourrait le traduire, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Wa huwa tajawuz al-had. Voilà. Et c'est le fait de dépasser les limites. C'est ça la rébellion. Yuqal, il est dit, tara al-ma'u ila tajawuz al-had. Il est dit que l'eau, en termes arabes, on dit tara al-ma', lorsque l'eau a dépassé ses limites. Là, on envoie le terme tara. Wa taghut huwa alladhi yatajawaz al-hadd. Et taghut, c'est celui qui dépasse les limites. Imma bishirkihi, soit par le fait de le prendre comme associé. Wa kufrihi, ou de la mécréance. Wa imma bida'watihi, soit aussi par son invocation ila dhalika, vers cela. Wa sharruhum wa ra'suhum, et le pire d'entre eux, et celui qui a leur tête, Iblis, la'anahullah, c'est Satan, le maudit. Wa hakadha kullu man da'a ila ibadati nafsihi, et de même pour tous ceux qui appellent à l'adoration d'eux-mêmes, qui appellent les gens à les adorer. Et quand adorer, on l'avait vu, ça voulait dire quoi, adoration? Il y avait beaucoup de branches d'adoration. D'accord? Parce que beaucoup croient que tant que quelqu'un n'a pas dit à quelqu'un, prosterne-toi devant moi, c'est bon. Non. Celui qui dit que tout ce qui sort de ma bouche est la vérité, même si le Coran dit comme ça ou le Hadith dit comme ça, mais c'est ma parole, il faut que tu prennes, c'est une adoration qu'on lui fait. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut le terme adoration, il faut le prendre sa globalité et sa généralité. وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ دَعَى إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ أَوْ رَضِيَ أَنْ يُعْبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ou qui n'a rien demandé aux gens, mais il a été satisfait d'être adoré. كفرعون والنمرود, comme Pharaon والنمرود. Namrud, c'est le roi qui avait à l'époque de Ibrahim alayhi salam, c'était en Babylone, en Irak de l'époque. Ou il da'a shay'an min 'ilm al-ghayb, ou qui prétend avoir une certaine connaissance de l'invisible ou du futur, car cette science-là ne la connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et combien prétendent la connaître. Par exemple, chez les soufis, leurs machaïrs, ils connaissent le règle. Là, c'est une inquiétude. chez les chiites, leurs imams, ils connaissent le raï. Car ce sont des gens qui sont arrivés à un degré que nul prophète et nul messager n'a pu atteindre. كالكهنة والعرافين والسحرة في الجاهلية وفي الإسلام comme les médiums, les voyants ou les sorciers de l'époque de Jahiliya et même de l'époque islamique. Et ces gens-là, quiconque va les voir, il va les voir sans y croire, celui-là, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et celui qui va les voir et qui croit en ce qu'ils disent, il a démenti le message qui a été révélé sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans les deux cas, il est perdant. Et le deuxième, il est encore pire. Donc, le fait de dire, non, je vais seulement voir, ou je vais seulement lire. Fais attention à ça. De même, tout ça, t'as en dedans l'horoscope et tout. Hein. L'horoscope, toutes ces choses-là, là, t'as en dedans. Non, l'horoscope c'est quoi? C'est tel signe, et ben voilà ce qui va t'arriver. Voilà ce qui est prévu qui va t'arriver. Non, qui prévient pour eux-mêmes. Non. وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا. Et de même pour ceux qui jugent par autre que ce qu'Allah a fait descendre sciemment. Bon, là j'ouvre une parenthèse. Il n'a pas présidé quelle personne. Tu sois gouvernant ou gouverné. Parce que dans tout ce que tu fais dans ta vie, toute décision que tu prends, c'est soit elle est conforme au jugement d'Allah, ou soit elle ne l'est pas. Donc tu sois gouvernant ou gouverné, tu rentres dedans. Tout le monde est concerné par ça. Pourquoi? Parce que tout pas que tu fais, c'est une décision que tu as prise. Et toute parole qui sort de ta bouche, c'est une décision que tu as prise. Donc, soit elle est conforme à la loi d'Allah, ou soit elle ne l'est pas. Elle est conforme, حكمت بما أنزل الله. Elle n'est pas conforme, حكمت بغير ما أنزل الله. Et de même pour le gouvernement. Et ça concerne tout le monde. Voilà, une classe bien précise. C'est tout le monde qui est concerné. Et beaucoup de ceux qui s'entêtent sur ce domaine-là, eux-mêmes, لا يحكمون بما أنزل الله. Tu vois le gars, il se rase la barbe. Il dit pourquoi? Il se légitime. Et ben, c'est deux fautes. Il va rencontrer la loi d'Allah, il légitime sa faute. Justement ça, faut très faire attention. Tu prêches une chose que toi tu n'es même pas capable de mettre en pratique. Toi-même, tu n'as de compte à rendre à personne. Sur toi-même, tu n'es pas capable de mettre en pratique les lois d'Allah. Et tu veux qu'un qui a 15 millions, 20 millions devant lui, il leur applique. Fais d'abord pour toi et après regarde pour les autres. Quand on lui dit assieds-toi, non, je vais être debout. Calme-toi, non, je vais m'énerver. Est-ce que tu juges parce qu'elle a fait descendre, ou alors c'est justement parce que ta tête, elle te demande, ou ta passion? La preuve en est, si tu dis à l'un d'entre eux, on a dit tel gouverneur d'un tel pays, ça y est, il est foutu. Il est mécréant, ça y est, on a fait un bout de l'idée. D'accord. Demain, il se reprend à Allah et il dit, oh mon peuple, j'étais dans une grave erreur, maintenant j'ai compris une chose, il faut que je mette en pratique la loi d'Allah. Vous l'acceptez, vous vous arrêtez? Ils auront du mal à dire oui. Donc c'est pas les amis, ça. Si il fait le tauba, ça y est. Tout reprend à zéro. Mais ils l'accepteront pas. Parce que pourquoi? Parce qu'à l'origine, s'ils l'ont rendu mécréant, c'est pas parce qu'ils sont sur deux qu'il est mécréant ou pas. C'est parce qu'ils veulent l'enlever de sa place. Après, ça les regarde s'ils veulent mettre à la place. C'est pour l'enlever. Et pour l'enlever, en acceptant qu'il est musulman, c'est un peu grave. Quand moi, des musulmans, ça... Donc, si tu vas les voir, tu leur dis, entre musulmans, on n'a pas le droit de se battre. Ils disent, nous, nous sommes musulmans, mais eux, ils ne sont pas. On n'a pas le droit de se découvrir. Donc, c'est pour ça qu'il faut très faire attention. Les gens, ils s'entêtent sur un domaine, et parce que ce n'est pas pour ce point-là bien précis, c'est pour ce qui va suivre. Je veux combattre, je viens lui rester le verset. Au meilleur, c'est mon minimum d'armidène, c'est au dire rien, râler les pierres. Celui qui tue un croyant sciemment, pour lui, dans un bloc de mœurs, l'enfer éternellement. Il dit, ah oui, mais celui-là n'est pas musulman. Vous comprenez? Donc c'est pour se sauver des lois et des règles. Donc c'est pour ça qu'il faut très faire attention à ces domaines-là. Donc, les versets, les hadiths qui touchent à ce domaine-là, ils concernent tout le monde. Tout le monde est concerné. Et Allah dit en Coran, on ne va pas trop parler dessus, « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmi » Quand Allah ne change pas ce qu'il y a un peuple, il n'a pas dit « Hatta yughayyiru ma biqawmi » Il n'a pas dit « jusqu'à qu'il change leur gouvernement » Il a dit « Hatta yughayyiru ma biqawmi » jusqu'à qu'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. Là, il faut très faire attention. Allah nous préserve de tout mal et de tout choubra. Choubra, c'est très grave. L'homme s'égare par deux choses. Soit par choubra, soit par shahawat. C'est les deux points qui égarent les gens. Choubra, les ambiguïtés. Shahawat, les tentations. C'est une des deux. Celui qui est shahawat, il faut savoir. Il faut savoir. T'as une tentation, tu es patient. Le seul remède, c'est savoir. Ou shubha, c'est l'ilm. Les ambiguïtés, tu les passes en toi. Dans l'ambiguïté, c'est l'ilm. C'est l'ilm qui préserve l'ambiguïté. Et ceux qui s'entêtent sur les ambiguïtés, c'est parce qu'ils veulent quoi? La fitna. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans le Coran. Wa walladhi anzal al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. Lui qui a fait descendre le livre. Hein? Il y a, parce que dans le livre, il y a deux sortes de textes. Il y a le muhkam ou le mutashabih. Le muhkam, c'est les versets ou les hadiths. Là, c'est les versets dont tu ne peux pas avoir deux explications. C'est compréhensible. Qul huwa Allahu ahad. Moi, tout le monde le comprend de la même manière. D'accord? Ou le mutashabih, c'est le verset qui prête à plusieurs, à confusion, à plusieurs explications. D'accord? Mais le, ça, c'est qui c'est? Ça, c'est un qui ça? C'est les ulama. Ils prennent le mutashabih, ils le remettent avec le muhkam et ils te donnent la règle. Nous, on n'a pas à y toucher. On veut y toucher, on est obligé de le prendre. D'accord? Pour les, c'est étonnant parce que dans le domaine de la dunya, on ne fait pas cette erreur-là. Jamais quelqu'un, tu vas apprendre des livres de maîtrise ou de troisième cycle de mathématiques, les donner à des primaires. Les livres, ce qu'il y a dedans, c'est bon. Mais le primaire, il n'arrivera jamais à mettre en pratique ce qu'il y a dans ce livre-là. Et bien ça, c'est ce qu'on fait, nous. On le fait, ça. On veut, ah, attends, je vais t'aider. Subhanallah, taqillah. Rahimallah, umra'an, arafa qadra nafsihi. Qu'Allah va se mettre à l'écran d'un homme qui a compris, qui a connu son degré. D'accord? Donc Allah il dit هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه متشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ونشرحون que son interprétation وما يعلم تأويله إلا الله. Et son attention ne la connaît que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasikhuna fil 'ilm. Et les versés dans la science. Pas seulement les ulama. Al rasikhuna fil 'ilm. Les versés dans la science. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith: Idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu. Si tu vois ceux qui suivent le mutashabih. أولئك الذين سمى الله في سلك الله عنهم إذا الفرسي فاحذروهم لفي بدون إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم قفة صلى الله عليه وسلم لديهم فرسي بيساج إيا سكي سي إيا سكي إذا فرسي إذا فرسي إذا فرسي إذا فرسي إذا فرسي إذا فرسي إذا فرسي إذا فرسي إذا D'accord. وكذلك من من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا فهؤلاء رؤوس الطواغيت. Ceux-là, les cinq qui viennent de citer, les cinq sortes, sont les têtes des tarots. قال الله تعالى, Allah le Très-Haut dit, لا إكراه في الدين. Il n'y a nulle contrainte en religion. قد تبين الرشد من الغي. La voie claire a été distingué du faux chemin. فالرشد donc الرشد فتبين الرشد الرشد لجدي كم الهدى الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم c'est quoi الرشد c'est l'islam et ce avec quoi il est venu le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم والغي c'est الكفر بالله والسلام la méfiance renier Allah et c'est l'égarement قال تعالى le frère a dit من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم il dit le verset dedans ils n'ont pas de contrainte dans la religion l'orientation vers le droit chemin est maintenant claire et nette par rapport à l'égarement et au péché donc celui qui refuse de croire aux idoles et croit fermement et énergiquement en Dieu Allah celui-là tient une liaison étroite et une ferme attache qui ne se disjoint jamais et Dieu est l'auditeur et l'omniscient. Yakfur, fa yakfur bit tarout, donc il mécroit, il renie ta route. Ça ne suffit pas de seulement dire je crois en Allah et tu ne peux pas renier ça. Il faut. Et imam billah, il est profond de tarout. Ya'ani yatabarra min. Il prend, il désavoue et il prend son innocence contre ce qui se passe. Ouais, t'as capable. Mais combien il y en a qui t'as capable? Oui, il y a les mais j'ai aussi ma raison. Ma raison, je vais la mettre où? Ah, t'as raison, j'ai fait. Je suis les textes, c'est mieux pour toi. Si le raisonnement menait à quelque chose, ça l'aurait été pour Aristote et Socrate. Parce que. Alors, en philosophie, on n'en a jamais trouvé des gens de l'ordre de paix. Mais où ça vous a ramené? C'est le kufr billah. Non. Bon. Hada huwa al-mu'min. Voilà le croyant. Thumma qala, puis il dit, Allah dans le Coran, faqad istamsak, yani istahfam, il s'est rattaché. Il s'est attaché. Bil urwati al-wuthqa. وهي لا إله إلا الله كلمة التوحيد. العروة الوثقى c'est quoi? signification c'est لا إله إلا الله. La parole de l'Unicité. يعني c'est-à-dire فقد استمسك بالعروة التي c'est-à-dire qu'il s'est attaché fermement. العروة c'est le lien qui est لا إله إلا الله كلمة التوحيد au lien التي لم قطع لها qui ne se coupe jamais. C'est un lien qui ne se coupe jamais. Bel manistemsaka biha sadiqan. Mais plutôt, celui qui s'est attaché à elle, véridiquement, sincèrement, wastaqama alayha, il a été droit sur cette parole, wasala ila al-janna wa al-karama. Il arrivera au paradis et à la bénédiction. لأن لها حقوقا كأنها ذو حق وهي توحيد الله. c'est quoi? le droit de ce lien qui ne se détache jamais. c'est توحيد الله, l'unicité d'Allah, وطاعته et son obéissance, واتباع شريعته et le suivi de sa législation. ومحمد صلى الله عليه وسلم et محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. il est le sceau des prophètes et des messagers. Wa huwa rasulullah. Et c'est le message d'Allah, ila jami'i ahli al-ard, vers tous les habitants de la terre. Min al-jinni wal ins. Dont les djinns et les êtres humains. Fa yajibu ala jami'i al-mukallafin. Donc, il est une obligation, un devoir pour toutes les personnes en âge de responsabilité, toutes personnes responsables, ta'atuhu, son obéissance. واتباع شريعته et le suivi de sa législation. ولا يجوز لأحد et il n'est permis à aucun الخروج عنها d'en sortir ou d'aller à son encontre. وجميع الشرائع et toutes les législations الماضية passées كلها نسخت elles ont toutes été abrogées بشريعته عليه الصلاة والسلام avec la législation de Muhammad صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل comme Allah le très glorifié dit قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الْآيَةُ le verset وَقَالَ قَبْلَهَا سُبْحَانَهُ et avant ce verset le très glorifié dit فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ceux qui ont cru en lui et qui se sont attachés à lui et l'ont défendu et ils ont suivi la lumière qui est descendue avec lui, voilà ceux qui réussissent. وقال سبحانه et le très glorifié a dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُ. Et celui qui mécroit en lui parmi les coalisés, son rendez-vous sera l'enfer, le feu. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح محمد صلى الله عليه وسلم المسجد الله son prophète a dit dans son hadith authentique والذي نفسي بيده. Et par celui dont mon âme est entre ses mains, il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. Il n'y a pas un juif ou un chrétien de cette nation qui entend parler de moi, ثم يموت, puis il meurt, ولم يؤمن بالذي أرسلت به, et il n'a pas cru ce qui m'a été révélé, إلا كان من أهل النار, sans que ce ne soit une personne fouée à l'enfer. Il n'y a pas de doute en cela. أخرجه مسلم في صحيحه, حديث rapporté par l'imam مسلم. والآيات والأحاديث, et les versets et les hadiths في ذلك كثيرة, dans ce domaine-là il y en a beaucoup. وقد أجمع أهل العلم, il y a eu un consensus des gens de la science, des savants, رحمهم الله, qu'Allah les prenne dans sa miséricorde, على أنه لا يسمع أحدا من هذه الأمة الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, qu'il n'est pas permis, qu'il n'y a aucune excuse à quelqu'un de sortir de la législation de Muhammad صلى الله عليه وسلم. وأن من اعتقد ذلك, et celui qui croit qu'on peut sortir de la législation de Muhammad صلى الله عليه وسلم, فهو كافر, il devient mécréant en pensant cela. Kufran akbar, la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Mukhrijan min al-millah, qui le fait sortir de la voie et de la religion. Nas'alullah al-afiyah wa salam, qu'Allah nous en protège et qu'il nous sauvegarde de tout cela. Na'am. Wa afsarad Allahu ala jami' al-ibad al-kufra bit-taghut wal-iman billah. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض, ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه, ومن ادعى شيئا من علم الغيب, ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. Et dans le hadith, la tête de l'ordre, à la tête de l'ordre de l'islam, c'est quoi? C'est la tête des ordres, c'est l'islam, la soumission. وعموده, et son pilier, c'est la salate. وذروة سنامه, et son sommet, c'est le jihad dans la voie d'Allah. والله أعلم. Et avec cela, le texte de Usul al-Thalatha du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah se termine. Cheikh Ben Baz hafidhahu Allah ta'ala dit: وفي الحديث, dans le hadith, رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فعلى جميع المكلفين, c'est un ordre, une obligation pour tous les gens qui sont en âge de responsabilité, qui sont responsables, un yuwahhidullah, qui fasse preuve de l'unicité d'Allah, wa ya'buduh, et qu'il l'adore, duna kulli ma siwah, et qu'il l'adore et il délaisse tout ce qui est hormis Allah, wa an yakfur bit-taghut, et qu'il renie et il mécroit au taghut, comme taghut on l'a vu tout à l'heure, on l'a expliqué. وينكر عبادته أكل نو سافك عندي ستعملها سافك نشوف نو et qu'il rejette, voilà, et qu'il désavoue son adoration, l'adoration de Tarut, et qu'il s'attache à l'unicité, et le suivi de sa législation, subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il et le Très-Haut. وتعظيم امره ونهيه et de donner une grande place et d'agrandir son ordre et son interdit. Subhanallah. Ce terme là c'est sa place, ta'zim, c'est al-amr wa nahy. Quel que soit cet ordre là et quelle que soit cette interdiction, puisque c'est un ordre d'Allah, puisque c'est un ordre de son messager alayhi salatu wa sallam, puisque c'est un interdit d'Allah, puisque c'est un interdit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à tes yeux, il faut qu'il ait une grande place. Quel que soit cet ordre, quel que soit ton atteinte. Qui tu es toi pour dire, ah non, ça c'est minime. Allah, il te l'ordonne, tu dis non, mais ça c'est minime. On peut... Ah bon, Allah, pourquoi Allah te l'a donné là ? Subhanallah. Allah, il t'a donné une chose ? Oui, mais bon, ça. Et depuis quand l'islam, il t'a appris à comparaître entre les lois et les règles ? Toutes les lois, toutes les règles, elles ont leur place dans l'islam. Après, qui on fait passer après, avant l'autre, sans relier l'autre? Mais c'est parce que le fait de suivre un ordre, c'est parce que c'est l'islam qui nous l'a enseigné. Si ce n'était pas l'islam qui nous l'a enseigné, on ne l'aurait pas fait. Donc, ces règles-là, elles nous viennent de l'islam. Mais un ordre que tu dois faire passer avant l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre il est rejeté. C'est-à-dire que l'autre il va venir, mais après celui-là. Et beaucoup s'amusent avec vous en disant, mais ça il passe avant, d'accord, quand est-ce que tu vas mettre en pratique celui-là? Il parle, d'accord, je suis d'accord avec toi, telle chose, elle passe avant celle-là. Mais quand est-ce que tu vas la mettre en pratique? 20 ans après, il n'a toujours pas de barre. La barre, oui, d'accord, il y a 20 ans, tu l'as déjà dit. Aujourd'hui, quoi, tu me répètes? C'est-à-dire que lorsque tu dois, tu dis, il doit passer avant celui-là, tu ne l'as pas encore mis en pratique. Subhanallah. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec la religion d'Allah. Mais maintenant, ça a dépassé même. De la religion, l'islam, la soumission. Yani, c'est-à-dire, shahadatu an la ilaha illallah, le témoignage, l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah, faman iltazama biha, celui qui s'attache à cela, biha, dakhala fil islam, il est entré dans l'islam. Celui qui a fait ce témoignage-là, il est entré dans l'islam. Wa amuduhu salah, et son pilier, c'est as-salah. Al-Amoud ou Al-Imad, c'est la même chose. On dit Imad, on dit Amoud. Wahiya al-Ruknu al-Thani, et c'est le deuxième pilier. Wahiya a'zamu al-Arkan ba'd al-Shahadatayn, et c'est le plus grand pilier après les deux attestations. Thumma yali dhalika, puis après cela vient al-Zakah. On va aller dans l'ordre. Et là aussi, il y a un ordre. Al-Shahadatayn, qabla al-Salah. Est-ce que Salat, elle n'a pas sa place dans la religion? Est-ce que ça veut dire qu'on laisse sa Salat? Non. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le dîn, d'abord il fait Shahadatayn, qabla al-Salat. Il les a fait, c'est bon, maintenant c'est Salat. Entre Salat et Zakat, qu'est-ce qui passe avant? C'est al-Salat. Al-Salat, elle a été faite, al-Zakat, tu dois le faire, tu dois le faire. D'accord? Thumma yali dhalika al-Zakat, wa hiya wa siyam, puis le jeûne, wa al-Hajj. Puis le pèlerinage, et ainsi de suite, et la suite c'est les lois d'Allah, les ordres d'Allah, et son sommet c'est le jihad dans la voie d'Allah, car avec ça il y a la protection de la religion, c'est un synonyme, et avec c'est une invitation des gens vers la religion d'Allah, wa ilzamuhum bil haqq, et de les obliger de se rattacher à la vérité. Fa huwa zirwatu sanamihi, donc c'est son sommet. Min jihati ma tadammanahu min himayati ad-din, puisque il parmi ses explications, c'est qu'il y a la protection de la religion, wa ad-da'wati ila al-haqq, et l'invitation vers la vérité. والله أعلم يا الله أفلس أبوك وبارك الله فيكم وبهذا قد ختمنا الكتاب نسأل الله تعالى وفقنا لكل خير ونجعلنا من المخلصين وأن يجعلنا من الذين سمعنا القول فاتبعنا أحسنه وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.